Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. On commence tout de suite avec Galéon. Thank you. after the war. Half of the population's gone, the deadliest battle of all. And we were the definite losers this time. We became slaves and pulled on the new government rules. Yesterday, call for the new masters of the world. Obey. Then they started their plan. They heard us in factories never seen before. And the few machines created by alien technology. A cloning device for all the bread of this post-supplies. And super ships for exploitation of other worlds. They want to sell us away. So the day arrived, they gave us a hard and short trial. The ships blasted away, we saw our planet shrink before our eyes. Destination Mars, prepared for us with machines and minds. So goodbye, embrace the bitter end, my friends. Mars. Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif, l'émission mensuelle, avec comme invité très spécial Jean-Louis. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Thierry. Ce soir, on a commencé très très fort avec les Suédois de Galleon, un nouvel album double carrément, From Land to Ocean, de la Terre jusqu'à l'Océan, From Land to Ocean si vous préférez, avec l'accent lyonnais, From Land to Ocean, donc un long morceau, The Price. On continue avec les Anglais de Pineapple Fizz, le voleur de Danana, avec un nouvel album qui s'intitule Variations on a Dream, Variations on a Dream. We Subscribe, c'est pas moi qui le dis, c'est le titre du morceau, tout de suite sur le 100.7. Thank you. Pineapple Feath sur l'antenne de Prog à part, l'émission du rock progressif. On continue avec un classique enfin réédité en CD, un grand groupe séminal du progressif british. Je veux parler de Twelfth Night. Twelfth Night avec la réédition de Art and Illusion. Vous vous rappelez ce mini LP sorti en 1984. Il est enfin disponible sous la forme de CD. Il est bourré à craquer d'inédits, de morceaux live, de versions alternatives. Voilà, c'est un régal. Ce n'est pas l'époque de Jeff Hoffman puisqu'il était parti, c'est Andy Sears qui officie à la voix avec les mêmes comparses. Je vous propose tout de suite First New Day, un morceau superbe. On se demande comment il n'a pas pu faire un hit. Tout de suite sur le 100.7, Twelfth Night. Thank you. Bref Night, c'est beaucoup de brio, beaucoup de sobriété, c'est vraiment superbe. On passe, mon cher Jean-Louis, à Trion. Trion, c'est un groupe formé de deux musiciens de Flamborough. Les fidèles des fidèles vont dire, ah oui, ce super groupe hollandais qui nous fait du progressif 70s, eh bien, qui était en concert d'ailleurs l'année dernière au Proc Sud. J'étais, je les ai vus. On s'y régalait avec l'ami Jean-Louis, l'autre, celui qui est à Saint-Genis. Eh bien, deux musiciens de Flamborough se sont réunis pour, avec un troisième, pour faire un trio qui s'intitule Trion, Trion. Et leur premier album, sous une pochette qui ressemble étrangement à de Roger Dean, s'intitule Tortoise, c'est-à-dire la tortue. Je vous propose un long morceau de New Moon. Voilà, tous ces albums, Pineapple Feast, Twelfth Night, Trion, sont des albums disponibles sous le label Cyclops. Voilà, vous savez tout. Si, il est 21h35 sur l'antenne de Prog à part et sur Sol FM. sont deux, ils viennent, si je ne m'abuse, du Danemark. C'est leur deuxième album. Ils sont deux, ils jouent comme quatre, etc. etc. C'est le nom du groupe. Et voici leur nouvel album, Tales of Ardor and Desight. C'est un véritable régal, vous allez voir. Ça met un mélange de différentes influences. C'est très très riche au niveau de l'instrumentation. Je vous propose un large extrait de ce Tales of Ardor and Desight. Pardon pour l'accent. Tout de suite sur le 100.7, c'est Procapar, l'émission du rock progressif. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 04 78 51 16 85, 04 78 51 16 85, et les trois premiers, eh bien, gagneront des petites compilations de progressifs qui vous seront livrées clé en main chez vous. C'est-il pas beau la vie? Tout de suite, etc. return from war, a man who rules his lands, a fourth of every soul subjects to your command. Too powerful for a king to whom you never paid respect. Too many men in Denmark aspire to be the lords. Must he be where they're waiting in the shadows to take it all away from you? People are telling stories down at the market square about your wife. We'll be right back. 22h à l'antenne de Prog à part sur Sol 100.7. Vous êtes à l'écoute de Prog à part, l'émission du rock progressif. Et maintenant, je cède la parole à notre invité, Jean-Louis. Jean-Louis, c'est à toi le micro. Nos amis lyonnais de Silver Lining viennent de mettre une touche finale à leur premier LP. L'album sortira en février prochain chez Musea, l'incontournable label progressif français. Ce CD comprendra 3 des 4 morceaux du mini CD que sorti l'année dernière à l'occasion du concert de Silver Lining en première partie de Ange à Vesoul. Parmi ces morceaux sont repris le fabuleux Opaline, une pièce que je classe d'emblée parmi mes meilleurs morceaux, tout groupe confondu. On va inverser un peu les rôles. Merci. 5 minutes avec notre sympathique animateur. Thierry, tu es le parolier et le chanteur de Silver Lining. Oui. Depuis quand le groupe existe-t-il? Et parle-nous un peu des musiciens qui le composent. Alors, le groupe existe depuis 1998. Il a été fondé par Nicolas Morachko à la guitare, Pascal Indelicato au clavier et moi-même aux paroles et au chant. Ensuite, on a été vite rejoint par différents batteurs et par un grand bassiste qui se nomme Serge Tsiganov, qui est resté avec nous le temps du mini CD dont tu parlais. Celui-ci nous a quittés et est parti pour d'autres horizons puisqu'il était également dessinateur. Et il a été remplacé par le propre frangin de Nicolas Morachko, Michel Morachko, à la basse. Enfin, à la batterie, Alain Descombes, qui a été remplacé au mois d'avril. C'est lui qui figure sur l'album et qui a été remplacé au mois d'avril. Il est parti par Michel Faure. Voilà la formation. Et j'oublie bien sûr la prestigieuse Annie Morel au violon. Et personnellement, pour toi, est-ce que c'est une première expérience dans un groupe? Ou en as-tu déjà eu d'autres avant? Non, j'ai eu une autre expérience au sein d'Anoxie où j'avais écrit les paroles donc pour un groupe du Périgord. On avait fait un album chez Melo Records et on a participé à la compilation Enchantement chez Musea. Quant aux deux compères, Pascal Indelicato et Nicolas Morachko, ils étaient dans un groupe qui s'appelait Indelspleen et qui a tourné sur Lyon dans les années 80. Le nom Silver Lining, il signifie quoi ce nom? Horizon argenté, c'est un clin d'œil, c'est un proverbe anglais. Every cloud has a silver lining. Chaque chose a un côté positif. On a aimé ce proverbe, cette image, et on l'a gardé comme titre. Les morceaux du mini CD sont repris les 3 sur les 4. Est-ce qu'ils ont subi une évolution depuis Ils ont été remasterisés, c'est-à-dire qu'on a on a donné du relief aux morceaux de façon à ce qu'ils soient à peu près au même niveau que les nouveaux morceaux qui ont été ajoutés. Au niveau des paroles, quelles sont tes sources d'inspiration pourquoi le choix de l'anglais précisément? Alors mes sources d'inspiration, elles sont à la fois dans le vécu, dans mon quotidien, dans mes sentiments, dans mes choses passées. Opaline est un morceau très triste qui a été écrit suite au décès de mes parents. Il y a aussi une influence au niveau de la poésie, des grands paroliers du rock. Et il y a bien sûr, en tout cas dans cet album, une influence évidente de l'heroic fantasy. Oui, tout à fait. Alors j'ai pas répondu pour l'anglais. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. L'anglais, c'est la langue du rock. On a une volonté de se faire entendre par le plus de monde possible, puisque le progressif est écouté aussi bien au Japon qu'en Espagne et en Suède. Donc ça a été ce choix. En plus, bon, c'est une langue que j'affectionne tout particulièrement. D'accord. Vous avez une visée internationale, donc. En toute modestie, hein, on n'a pas voulu s'enfermer dans l'hexagone et essayer de toucher un public. Vu que le public du progressif est très petit, autant s'adresser au-delà des frontières. Bien sûr, c'était une petite plaisanterie. Avez-vous d'autres projets de disques ou de concerts en préparation? Alors, projet de disque, on pense déjà au deuxième album. Il y a déjà 2-3 morceaux qui sont dans nos têtes et sur les partitions. Au niveau des projets, on a un concert au mois de mars, puisque le disque sort en février. On a un concert au mois de mars et on aimerait bien faire venir Ange. Donc, on jouera en première partie de Ange. Voilà notre futur. notre actualité. Est-ce que dans les futurs morceaux que tu as peut-être commencé à écrire, il y aurait des originalités, quelque chose de nouveau par rapport à l'album qui va sortir bientôt? Eh bien, justement, au niveau de la langue, il y a un morceau qui est écrit en français et, si tout va bien, qui devrait être chanté par Christian Descamps, le chanteur de Ange. Ça, c'est un projet. Bon, c'est encore à l'état de projet, mais on aimerait bien. Oui, parce que faire chanter Christian Descamps en anglais, c'est peut-être, ça va peut-être un peu difficile. Oui, ce serait une hérésie, je pense. Même s'il existe un album entier de Ange qui s'appelle